Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 9e chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dupe, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment avoir une parole impeccable. Fadjet, les ondes positives. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, affirme Albert Camus dans une critique publiée en 1944 sur le dernier livre du philosophe Bruce Parrain. En amont, il ajoute encore qu'il s'agit d'une idée d'honnêteté. La critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. Et plus loin encore, oui, nous avons à retrouver notre banalité. La question est seulement de savoir si nous aurons à la fois le génie et le cœur simple qu'il y faut. Nous connaissons tous ce célèbre adage qui dit que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais de quel silence et de quelle parole parle-t-on exactement ici? Repartons aux origines des mots, à leur étymologie. De l'ancien français « silencio », le silence est l'état d'une personne qui s'abstient de parler. Souvent mimé ou représenté par un index qui vient se positionner de façon perpendiculaire à la bouche fermée, comme un cadenas qui en scellerait l'entrée, le silence, aujourd'hui, peut également être rapproché de cet état où il n'y a aucun bruit environnant et s'apparenter à un moment de calme ou au contraire d'angoisse. La parole, quant à elle, tient sa construction de la même étymologie que le mot « parabole », qui vient du grec « parabolé » qui signifie « rapprochement, comparaison ». Au commencement était la parole, dit la première phrase du premier testament de la Bible. Aussi faudrait-elle qu'elle soit impeccable, du latin impeccabilis, qui n'est pas assujetti au péché. Les ondes positives sur Fadjet. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix de l'auteur mexicain mondialement connu pour être descendant de la tribu Nagal. Cette voix, c'est celle de Miguel Ruiz dans son ouvrage « Les accords toltèques ». Durant des années, nous avons subi les sorts et les médisances accompagnant la parole d'autrui, mais aussi ceux inhérents à notre manière de nous parler. On se parle en permanence, se disant des choses du style « Ah, je crois que j'ai l'air gros, je suis moche, je vieillis, je perds mes cheveux, je suis stupide, je ne comprends jamais rien, je ne sais jamais quoi faire, je ne suis jamais assez bon et je ne serai jamais parfait. » Vous voyez comment on utilise la parole contre soi. Il nous faut commencer à comprendre ce qu'est la parole et ce qu'elle fait. Si vous comprenez le premier accord, que votre parole soit impeccable, vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie. Des changements tout d'abord dans votre manière d'être avec vous-même et ensuite dans votre manière d'être avec les autres, surtout ceux que vous aimez le plus. Si nous concluons ce premier accord et que notre parole devient impeccable, nous éliminerons progressivement tout poison émotionnel de notre esprit et de nos relations personnelles, y compris avec notre chien ou notre chat. Avoir une parole impeccable vous immunisera également contre tous les sorts négatifs d'autrui. Vous ne pouvez recevoir une idée négative que si votre esprit est ouvert. En ayant une parole impeccable, votre esprit deviendra stérile pour les paroles issues de la magie noire. À la place, il deviendra fertile pour celles issues de l'amour. Dans notre cerveau, deux aires en particulier interviennent dans le déploiement de la parole au sens large, c'est-à-dire être capable de comprendre un message, c'est notamment le cas de l'aire de Wernicke, et d'y répondre l'aire de Broca. Le langage oral serait apparu il y a environ 2 millions d'années, alors que le langage écrit lui ne date que d'il y a 4000 ans. On retrouve ce même schéma d'apparition dans notre évolution personnelle. Enfant, nous commençons à balbutier, à parler, puis seulement vient le temps de la lecture et de l'écriture. Seulement, comme le disait l'écrivain Bernard Werber dans son encyclopédie du savoir relatif et absolu, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Alors, comment s'y retrouver dans cette tour de Babel où chacun parle sa propre langue ? À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la meilleure manière de trouver une parole impeccable. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction les contrées ensoleillées de l'Afrique pour découvrir où la parole, lorsqu'elle est mal utilisée, peut nous amener. Un jour, un pêcheur qui venait étendre ses filets trouva sur la plage un crâne desséché. Pour s'amuser, il s'adressa au crâne et lui demanda « Dis-moi donc, crâne, qui t'a conduit ici ?» Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il entendit le crâne lui répondre « La parole !» Aussitôt, le pêcheur courut jusqu'au village, entra dans la case de son roi et raconta ce qu'il avait vu. « Un crâne qui parle ?» s'exclama le roi. « Es-tu bien sûr de ce que tu racontes ? Aussi sûr que je suis devant vous et vous parle. »« Méfie-toi, lui dit le roi, si tu m'as raconté des sornettes, gare à ta tête. » Et, en grand cortège, il se rendit jusqu'à la plage pour assister au sortilège. Une fois devant le crâne, l'homme répéta, avec peu de fierté, « Dis-nous donc, le crâne, qui t'a conduit ici ?» Mais cette fois, silence. Le crâne ne répondit pas. Alors le roi leva son sabre et décapita le pêcheur. Puis il s'en retourna avec sa suite jusqu'au village. Le roi partit. Le crâne s'adressa alors à la tête fraîchement coupée et lui demanda « Dis-moi donc, qui t'a conduit ici près de moi ?»« La parole, » répondit la tête, désabusée. N'est-ce pas un proverbe saharien qui dit « La parole est comme l'eau, une fois versée, on ne la ramasse pas. » Aussi cette parole si précieuse qu'elle ne se résume plus, nous l'avons compris, à un simple son émis, à un simple mot tracé de la plume, cette parole si précieuse devient à la fois intérieurement une partie de nous-mêmes, car comme le dit Sénèque, la parole reflète l'âme, et extérieurement elle prend la forme d'un droit mais aussi d'une responsabilité, car bien souvent, comme le dit Démocrite, la parole est l'ombre de l'action. Et enfin, rappelons que bien souvent, si comme le pense le poème En tombant, la parole coupe davantage que le sabre. Fadjet, les ondes positives. Allez, petit exercice. Prenez une feuille de papier et de quoi noter. Sautez une ligne et inscrivez sur le papier tous les adjectifs qui décrivent une personne que vous appréciez particulièrement, réelle ou fictive, du passé ou du présent. Prenez soin de choisir les bons termes, de trouver le mot juste. Parlez de tout ce que vous appréciez chez cette personne, dans son comportement, sa manière d'agir. Maintenant, reprenez la feuille au départ et sur la première ligne, écrivez ceci. Ouvrez les guillemets. Je suis. Fermez les guillemets. Et relisez intérieurement, puis à voix haute, tout ce que vous venez d'écrire. Nous reconnaissons chez les autres les qualités qui sont en nous. Faites-les se réveiller avec la magie de la parole et du verbe. Voilà, maintenant que nous avons amélioré la qualité de notre parole, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudrait-il découvrir comment suivre son intuition. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives. We'll be right back.